je ne l'ai pas choisi le jour déjà. Se lève, il fait moins beau ce matin qu'il ne l'a été cette nuit. Décidément, celle-ci fut aussi belle que brève. Si la lune sort enfin, je m'éveille à la pluie. Je prends toutes les senteurs, même les plus acides. Toutes ces odeurs des plus fortes aux plus vides. Si j'en avais le choix, je rêverais de parfums. Qu'ils viennent d'ici ou là, mais sûrement pas du tien. Les vives comme les fades, celles des simples fleurs, celles des pierres de jade. Je rêverais de jardin, si j'en avais le poids. Si sûr je voudrais bien ne plus rêver de toi. Si je ne l'ai pas choisi le jour déjà, se lève, il fait moins beau ce matin qu'il ne l'a été cette nuit. Décidément, celle-ci fut aussi belle que brève. Si la lune s'endort enfin, je m'éveille à la pluie. Les saveurs de la mer au salé, celles qui me font peur, celles des fruits sucrés. Je rêverais de goûter tout ce que je touche, tout pour ne plus rêver la saveur de ta bouche. Si je ne l'ai pas choisi le jour déjà, se lève, il fait moins beau ce matin qu'il ne l'a été cette nuit. Décidément, celle-ci fut aussi belle que brève. Je ne l'ai pas choisi le jour déjà, cela lui fait moins beau ce matin qu'il ne l'a été cette nuit. Décidément, celle-ci fut aussi belle que brève. Si la lune s'endort enfin, je m'éveille à la pluie. Si je ne l'ai pas choisi le jour déjà, cela lui fait moins beau ce matin qu'il ne l'a été cette nuit. Décidément, celle-ci fut aussi belle que brève. Si la lune s'endort enfin, je m'éveille à la pluie.